You are very kind. Tu es très gentil. Tu es très gentil. Did you like it here? T'es-tu plu ici? T'es-tu plu ici? Did you like it here? Vous êtes-vous plu ici? Vous êtes-vous plu ici? It is necessary that. Il faut que. Il faut que. I would like to visit. J'aimerais bien visiter. J'aimerais bien visiter. I don't know anything about it. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Sometimes. Parfois. Parfois. Do not worry. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. I need to. J'ai besoin de. J'ai besoin de. Do you like? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes? We need to. Il nous faut. Il nous faut. Help. À l'aide. À l'aide. It's dangerous. C'est dangereux. C'est dangereux. Do not go. N'allez pas. N'allez pas. You are going to have to be. Vous allez devoir être. Vous allez devoir être. It is not me. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. I did not do it. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. It's not my fault. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. We will be able to go. On pourrait aller. On pourrait aller. There is a lot of. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Now is the time to. C'est le moment de. C'est le moment de. When I can. Quand je peux. Quand je peux. He wishes he could. Il voudrait pouvoir. Il voudrait pouvoir. On the one hand, there is. D'un côté, il y a. D'un côté, il y a. And on the other, there is. Et de l'autre, il y a. Et de l'autre, il y a. To meet because. Se rencontrer parce que. Se rencontrer parce que. I find that there are a lot of. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Je trouve qu'il y a beaucoup de. Like I've told you. Comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. You are going to be able to. Vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir. You will see that. Vous allez voir que. Vous allez voir que. Because there is. Parce qu'il y a. Parce qu'il y a. We can say. On peut dire. On peut dire. And you will really see. Et vous allez vraiment voir. Et vous allez vraiment voir. No, go ahead. Non, vas-y. Non, vas-y. You're welcome. Je vous en prie. Je vous en prie. If you don't know. Si vous connaissez pas. Si vous connaissez pas. Is that you know nothing about it? C'est que vous y connaissez rien. C'est que vous y connaissez rien. We are talking about. On parle de. On parle de. It means you have. Ça veut dire que vous avez. Ça veut dire que vous avez. Then the next thing. Ensuite, pour la prochaine chose. Ensuite, pour la prochaine chose. But this time. Mais cette fois. Mais cette fois. Whereas for others. Alors que pour les autres. Alors que pour les autres. In fact. En fait. En fait.